les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Des empreintes de pas, les pas grossiers de l'assassin. Et un complice aux pas élégants, peut-être. Des pas que Rouletabille attendait depuis le début de son enquête. Faire la part belle, faire la part trop belle, au bon bout de la raison. Maintenant, il va falloir manger saignant. Monsieur Stangerson, aimez-vous le jaune ? Bon, vous ne saisissez pas tout, alors pour tenter de percer par vous-même le mystère de la chambre jaune, en vain pour l'instant, soyons honnêtes, l'épisode 9 du feuilleton, diffusé pour la première fois sur France Culture le 11 août 1983, va vous aider. Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Alors, mon bon maître, que dites-vous de la cuisine de ce cher Mathieu ? Bah, mon Dieu, quoi, c'est tout ? Je vous emmène festoyer à l'auberge du donjon. Oh, festoyer ! Oh, parfaitement. Je fais la cuisine moi-même, je laisse royalement 5 francs sur la table et c'est tout l'effet que ça vous fait. Pardon ? Bah, comment avez-vous trouvé le cidre de la vallée d'Auge ? Hein ? Moi, personnellement, je le préfère au breton. Il est moins dur. Ah oui, moi aussi, j'ai trouvé excellent. Ah. Sinclair, mon bon ami, je vais vous poser une question indiscrète. Connaissez-vous ce jeu que l'on pratique surtout au Pays Basque avec une pelote et que pour ces deux excellentes raisons, on appelle pelote basque ? Oui. Ah oui, ça, je connais. Bien. Pour éclairer tout à fait votre lanterne, la pelote se joue à deux ou à plusieurs joueurs et consiste à lancer la dite pelote contre un mur et à la reprendre à tour de rôle, au rebond. Eh ben, dis donc, vous en savez des choses, vous. Sinclair, lorsque je vous ai entraîné au château du Glandier, j'attendais de vous que vous soyez mon partenaire. Et en mettant les choses au pire, que vous fassiez office de mur. Ah, de mur ? Oui, de fronton. En d'autres termes, que vous me renvoyiez un peu la balle. Ah, voilà. Tenez, par exemple, regardez ces petites cabanes le long de la route qui mène d'Épinay-sur-Orge à Corbeil. Vous les voyez ? Bien sûr que je les vois, je suis quand même pas aveugle. Bien. Et le chemin qui y conduit, vous le voyez aussi, qui s'enfonce vers la forêt de Sainte-Geneviève-des-Bois, là-bas. Bon, alors je vous demande maintenant ce que ce chemin a de particulier. Observez-le bien. Oui. Bah, je suis désolé, Joseph, mais le fronton ne renvoie pas la balle. Eh bien, ce chemin est noir. Il est noir de suie. À cause des cabanes de charbonniers. Et l'assassin est certainement passé par là avant de pénétrer dans la propriété et d'aller se cacher dans le bosquet. Ah, Oui, sinon les infâmes et grosses chaussures n'auraient pas été dans l'état où nous les avons trouvées. Donc, vous ne croyez pas que le garde, ce fameux homme vert, soit dans le coup? Bon, ça, nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, ce que Mathieu a dit de cet homme ne me préoccupe pas, c'est la haine qui le fait parler. Ah bon? C'est pas pour le garde que je vous ai emmené déjeuner au donjon. Saint-Clair, nous voici arrivés au château du Glandier. Je vais me faufiler dans la maison des gardiens, par la lucarne. Là, je ferai très vite. Alors, vous faites le guet, et surtout, vous ne vous faites pas voir. Mais Joseph... Non, je vous expliquerai plus tard. Je commençais à m'inquiéter, moi. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, Joseph? Le bon bout de la raison. Mmh. J'aurais dû m'en douter, mon cher Saint-Clair. Plus tard. Approchons-nous. Tenez, regardez, c'est Dax, le chef de la sûreté, qui descend en voiture. Les journalistes collent comme des mouches. Regardez. Et en plus, il est interdit de franchir les grilles. Alors, les gendarmes les empêchent de franchir les grilles. Peut-être, mais c'est ainsi. Je vous en prie. Ah, ça fait rien, je donnerai cher pour assister à la réunion qui va se tenir dans la chambre jaune. Et qui va y participer? À l'évidence, ce bon de Marquet, son inséparable Malène. Dax, bien sûr, les témoins. Et c'est bien le diable si ce cher Rouletabille ne se débrouille pas pour être présent. Bien. Si vous le voulez bien, messieurs, puisque les interrogatoires sont demeurés inefficaces, nous allons procéder différemment. Au lieu de convoquer chacun d'entre vous séparément et d'essayer de faire la lumière sur cette affaire, nous allons tous rester ici. Le professeur Stangerson, M. Darzac, le père Jacques, les deux Bernier, le chef de la sûreté, M. Dax, et naturellement, M. Malène et moi. Je précise que nous serons tous là au même titre. Même les deux concierges qui voudront bien oublier provisoirement qu'ils sont sous mandat d'arrêt et se souvenir que je les convie non à un interrogatoire de pure forme, mais simplement à parler. Oui, à parler. Une conversation de salon, pas aussi vous préférez. Une conversation de chambre. Chambre jaune. Bien. Qu'en dites-vous? Hein? Croyez-vous, mon cher Malène, qu'elle s'aide? Vous n'auriez jamais cru cela possible. Je suis capable d'en faire un petit acte pour le haut d'huile. Peut-être, monsieur le juge, seriez-vous bien inspiré en commençant cette conversation par le récit de la visite que vient de nous faire l'entrepreneur. Super, Malène, super, excellente idée. Bien, voyons, alors, de quoi allons-nous parler? Tiens, professeur Stangerson, aimez-vous le jaune? C'est-à-dire... Ben, c'est-à-dire que vous aimez le jaune. Sinon, vous n'auriez pas accepté de faire tapisser la pièce avec un tissu de cette couleur. À propos de tapisserie, vous ne remarquez rien? Regardez bien. La tapisserie est décollée sur plusieurs endroits, c'est cela? Oui, tout juste. On peut même observer sur ces surfaces la trace toute fraîche des coups de pique et de pioche. Ces traces, messieurs, ce sont les séquelles inévitables des sondages effectués à mon instigation par l'entrepreneur qui a réalisé les travaux de la chambre jaune. Elles apportent la preuve irréfutable que le plafond, les murs et le plancher de cette pièce ne recèlent aucune cachette, aucune ouverture secrète. Oui, absolument, monsieur le juge, vous avez tout à fait raison. Arrivé à ce stade, il faut forcément considérer l'assassin sorti de la chambre. Sinon, il aurait été découvert auprès de sa victime. Monsieur le professeur, Auriez-vous l'amabilité de pénétrer dans votre laboratoire et de vous placer exactement, s'il vous plaît, venez avec moi, à l'endroit où vous vous trouviez quand votre fille vous a quitté pour entrer dans sa chambre. S'il vous plaît. Alors oui, eh bien, je me trouvais ici. Là. Bien. Et que faisiez-vous? Enfin, c'est-à-dire que mon bureau se trouvait là. Oui. Oui, je l'avais fait déplacer pour permettre au père Jacques de nettoyer à son aise. Très bien. Et il était quelle heure? Environ 11 heures. Mathilde, ma fille, était assise de l'autre côté du bureau et travaillait avec moi. Ensuite, elle s'est levée, m'a embrassée, a souhaité une bonne nuit au père Jacques, puis elle est entrée dans sa chambre. Oui. Alors dites-moi, comment a-t-elle pu faire avec le bureau placé devant la porte? Vous avez raison, monsieur de Marquet. Je me souviens qu'elle a dû se glisser assez difficilement entre le bureau et la porte. Ah. C'est vous dire à quel point j'étais près de l'endroit où le crime allait se commettre. Oui. Je vous prie de m'excuser. Puis-je poser une question? Non, pas de question, madame, pas de question. Nous sommes en train de parler. On peut aussi bien s'enquérir du temps, n'est-ce pas, que Que de l'emplacement d'un bureau, bien sûr. Mais, monsieur le professeur... Oui, je vous écoute. Quand vous avez entendu crier mademoiselle Stangerson à l'assassin au secours, oui. Et qu'après éclatèrent les deux coups de revolver, ce bureau, qu'est-il devenu? Le bureau, monsieur... Vous voulez dire quelque chose, père Jacques? Eh bien, monsieur Malone, c'est tout simple. Le bureau, on l'a repoussé contre le mur pour pouvoir nous jeter sur cette sacrée porte. Eh bien sûr. Non, je me demandais si, par le plus grand des hasards, un homme surgissant de la chambre jaune alors que vous y faisiez irruption ne pouvait pas s'être faufilé à croupetons et se cacher sous le bureau. Mais j'ai déjà eu l'occasion de déclarer que si rapide qu'ait été l'attaque, nous avons réagi aussi rapidement. Et que nous nous sommes trouvés, le père Jacques et moi-même, immédiatement derrière cette porte qui nous séparait du drame. Oui, mais je pensais à la possibilité d'un panneau mobile du bas de la porte qui, s'ouvrant vers l'intérieur et se refermant seul, aurait permis à l'assassin de sortir comme par une chatière. Malade. Comment l'assassin aurait-il pu être sûr de trouver le bureau à cet endroit, justement, alors qu'on pouvait aussi bien le repousser en arrière que contre le mur? Oh, et puis, c'est une vieille porte qu'on a posée là. Elle vient en droite ligne du château. Et je peux vous dire qu'elle est d'un seul tenant. Oui, mais mon Dieu, je cherche, moi, comme nous cherchons tous, c'est-à-dire dans toutes les directions, un peu comme pour une boîte à malice. Oh, alors de ce côté-là, pas de danger. C'est pas une petite porte de rien du tout comme on en fait maintenant. Non, vous pensez qu'il a fallu qu'on s'y mette à quatre pour la faire péter à coups de barre de fer? Les Bernier nous ont donné un coup de main. Pour sûr qu'on s'est précipité, mon homme et moi. J'y ai même laissé un oncle. Et puis voilà qu'on nous jette en prison comme des chiens, comme des vrais chiens. Non, madame Bernier, non, pas comme des chiens. Les chiens sont des niches. Oh, c'est du pareil au même, parce que nous, on n'est pas des chiens. Oui, bon, chiens. Alors maintenant, c'est fini. Hein. J'en ai assez de vous entendre pianer. Ah, on se tait. Oh, non. Si, on parle calmement. Oui. Vous feriez mieux de nous dire dans votre propre intérêt ce que vous faisiez sous les fenêtres du pavillon à l'instant précis où l'on tentait d'assassiner votre maîtresse, car c'est bien là que le père Jacques vous a rencontré. Hein? Alors, que faisiez-vous? Ben, nous venions au secours. On courait? On avait entendu un coup de feu. C'est ça, vous couriez, après avoir pris soin de faciliter la fuite de l'assassin. Oh, c'est pas Dieu possible, comment pouvez-vous dire une chose pareille? C'est monstrueux. Monsieur le juge, mais nous, si on tenait l'assassin, on l'étranglerait de nos propres mains. Madame Bernier, c'est fini, hein, on ne pleure plus. Oui, calme, vous en prie. Oui. Bon. D'ailleurs, dois-je vous rappeler que nous ne faisons que parler? Oui. Ainsi, tout en parlant, je tiens à vous faire remarquer, monsieur Bernier, que pour un concierge, vous êtes très dur d'oreille. Ce n'est pas un, mais deux coups de feu qui ont été tirés. Ben, ça veut dire qu'on n'a entendu que le second. Bien sûr qu'on était en train de dormir quand le premier coup de feu a été tiré. Oui, père Jacques, je vous ai dit. Ben, moi, pour ça, je suis formel. On a tiré deux coups de feu. Et toutes les balles de mon revolver étaient intactes. On a retrouvé deux douilles, donc deux balles tirées. Et nous, derrière la porte, on a entendu deux coups de feu. C'est bien ça, monsieur le professeur. Oui, c'est bien ça. Deux coups de revolver, un coup sourd d'abord, puis un deuxième. beaucoup plus bruyant. Alors, les Bernier, vous pouvez répondre à ça? On entendait que le second, c'est tout. Vous croyez peut-être que la police est aussi stupide que vous? Mais enfin, tout prouve que vous étiez dehors près du pavillon au moment du drame. Alors, que faisiez-vous? Hein? Que faisiez-vous? Vous ne répondez pas. Ce silence vous accable et prouve indiscutablement votre complicité. Non, écoutez, non, Madame Bernier, on ne pleure pas. Si vous... Monsieur G, oh. Je sais, moi, que ces deux braves gens sont terroristes. Alors, permettez-moi courtoisement de vous faire remarquer que vous avez une conception très personnelle d'une discussion mondaine. Professeur Stangerson, comment voulez-vous expliquer la fuite de l'assassin si ces deux braves gens, comme vous dites, ne sont pas ses complices? Mais c'est à vous de l'expliquer, pas à moi. Oui. Aussitôt que la porte a été défoncée, pendant que vous, monsieur le professeur, vous vous occupez de votre malheureux enfant, le concierge et sa femme facilitent la fuite du misérable qui se glisse derrière eux, parvient jusqu'à la fenêtre du vestibule et saute dans le parc. Bernier referme la fenêtre et les volets derrière lui, car enfin ces volets ne se sont pas fermés tout seuls. Et moi je dis que c'est impossible. Madame Bernier tenait la lampe. Absolument. Je n'ai pas bougé du seuil de la chambre jaune. Et sitôt la porte enfoncée, je me suis agenouillé près du corps de ma fille. Il était donc impossible, je dis bien impossible, de sortir sans me bousculer. Je suis prêt à le jurer, le père Jacques et Bernier confirmeront, il n'y avait personne dans la chambre. Personne. Que ma fille, qui a failli mourir et dont les jours sont encore en danger. Bien. Alors nous avons affaire à un assassin fantôme. Et vous, monsieur Darsac, vous n'avez encore rien dit. Qu'en pensez-vous? Hélas, rien, monsieur le juge. Je ne pense rien. Oui. Monsieur le chef de la sûreté? Cher de Marquet, en attendant de mettre la main sur ce criminel fantôme, peut-être pourrions-nous nous pencher sur le mobile de l'attentat. Nous avancerions un peu. Professeur Stangerson. Oui, monsieur. Votre fille n'était-elle pas en instance de mariage? C'est exact, monsieur le chef de la sûreté. Mathilde devait épouser mon ami Robert Darsac, ici présent. Contrairement à ce que vous avez dit sous le coup d'une émotion bien compréhensible, les jours de votre fille ne sont plus en danger. C'est vrai qu'elle a frôlé la mort, mais nous savons maintenant qu'elle se remettra de ses blessures. On peut donc en déduire que son mariage est de ce fait simplement retardé, n'est-ce pas? Je l'espère vivement. Dois-je comprendre que vous n'en êtes pas sûr? Monsieur le juge, vous nous avez proposé tout à l'heure de parler ensemble, tous ensemble. Je comprends tout à la fois la douleur du professeur Stangerson et la discrétion de monsieur Darsac, mais... Pour parler, comme vous dites, il faut être deux. Oui, vous avez 100 fois raison, monsieur le chef de la sûreté. Et monsieur le professeur, cette affaire est pénible et très embrouillée. Nous ne pouvons négliger aucun détail, fût-il insignifiant en apparence, qui se rapporte à la victime. Mais j'insiste, professeur. Vous venez de nous dire, en hésitant, je l'espère vivement. C'est donc que vous n'en êtes pas sûr. Non, après tout... Vous êtes sûrement dans le vrai. Mieux vaut que vous sachiez une chose qui semblerait avoir de l'importance si je vous la cachais. Robert Darsac sera, je pense, de mon avis. En effet. Parlez, professeur. Messieurs, il vous faut savoir que ma fille avait fait le serment de ne jamais me quitter. Pour des raisons personnelles, affectives et scientifiques, elle tenait ce serment... malgré mes instances et mes prières, car vous pensez bien que j'essayais plusieurs fois de la pousser au mariage, comme c'est le devoir d'un père. Nous connûmes M. Darsac, et depuis de longues années, ce collaborateur précieux et cet ami indéfectible aime Mathilde, avec respect et discrétion. Néanmoins, je voulus croire qu'il était aimé de retour. Et en effet... j'eus la joie récente d'apprendre de la bouche même de ma fille qu'elle consentait enfin à un mariage que j'appelais de tous mes voeux. J'ai maintenant un âge certain et je crois que vous comprendrez ma joie quand je puisse espérer que Mathilde resterait près de moi pour continuer nos travaux, qu'elle ne serait plus seule, qu'elle aurait auprès d'elle un être que j'estime pour ses qualités de cœur et pour sa compétence scientifique. Eh bien. Or, monsieur le chef de la sûreté... 48 heures avant le crime, par je ne sais quel retour de volonté, Mathilde me déclara qu'elle renonçait au mariage avec Robert Darsac. Vous a-t-elle fourni une explication, un motif? Elle m'a dit qu'elle se trouvait trop âgée pour se marier, qu'elle avait le sentiment d'avoir attendu trop longtemps, qu'elle avait bien réfléchi. Certes, elle estimait, elle aimait Robert Darzac, mais il valait mieux, prétendait-elle, que les choses en restassent là, que l'on continuerait comme par le passé. Qu'elle serait heureuse, même, de voir les liens de pure amitié nous unissant à Robert Darzac devenir encore plus étroits. Mais il était bien entendu qu'on ne lui parlerait plus jamais de mariage. Vous n'avez pas trouvé cela étrange ? Très étrange. Oh, monsieur, étrange ou pas, ce n'est pas de ce côté que vous trouverez les mobiles du crime. Et quel mobile, alors, puisque ce n'est pas le vol ? Sûrement pas. Monsieur le juge ? Oui, brigadier. Eh bien, ne restez pas planté sur le pas de la porte, entrez. Faites excuse, monsieur le juge. Mais on m'a demandé de remettre ce billet entre vos mains. J'ai cru bien faire. Bon, bah, donnez. Voici, monsieur. Mais c'est bien, vous pouvez disposer maintenant. À vos ordres, monsieur le juge. M'excusez, n'est-ce pas ? J'ai compris. Ah, bah, par exemple. Ah, bah, ça, c'est trop fort. Qu'est-ce que c'est ? La carte de visite d'un petit journaliste scribouilleur, Joseph Rouletabille. Qui travaille à l'époque ? Oui, lui-même. Et savez-vous ce qu'il m'écrit ? L'un des mobiles du crime a été le vol. Ah, ah, le jeune Rouletabille. J'en entends beaucoup parler. Il passe pour être très astucieux. Mais en tout cas, pour le culot, il ne craint personne. Faites-le entrer, monsieur le juge, puisque nous sommes en pleine conversation. Un de plus, un de moins. Ah, bah, comme vous voulez. Brigadier ? Oui, monsieur. Faites entrer. Bien, monsieur le juge. Monsieur Rouletabille, s'il vous plaît. J'arrive. Ne vous avais-je pas dit, mon cher Sinclair, que j'assisterai à cette petite réunion ? Pardon. Monsieur de Marquet, je suis à votre disposition. Bien, si je crois ce que vous avez inscrit sur votre carte, vous connaissez le mobile du crime. Et ce mobile, contre toute évidence, serait le vol ? Non, pas du tout, monsieur le juge, pas du tout. Je n'ai pas écrit que le mobile du crime était le vol. Et cela, pour la bonne raison, c'est que je ne le crois pas. Bon, alors que signifie cette carte ? Une nouvelle facétie pour vous permettre d'entrer ici et d'assister au débat ? Monsieur le juge, j'ai écrit que le vol était un des mobiles du crime. Et d'ailleurs, si vous voulez bien vous donner la peine de me suivre jusqu'au vestibule... Bon, allons-y. Voilà, nous y sommes. Et maintenant, monsieur le juge, ayez, s'il vous plaît, l'obligeance de vous agenouiller. M'agenouiller ? Oui, comme moi. Et je vous en prie, ce n'est pas un acte de piété ni d'humilité, monsieur le juge. C'est simplement pour vérifier si le ménage a été bien fait. Je vous en prie. Eh bien non, observez les dalles des toilettes, elles n'ont pas été lavées depuis longtemps, n'est-ce pas, père Jacques ? Ah, ben, c'est-à-dire que... Avec l'âge qui vient, j'ai beaucoup plus de difficultés pour me plier. Mais tant mieux, père Jacques, tant mieux. Votre poussière nous en raconte davantage qu'un livre ouvert. Enfin, c'est une plaisanterie ou quoi ? Donnez-vous la peine, monsieur le juge. Je vous en prie. Ah. Regardez. Eh bien. La marque de deux larges semelles et quelques traces de la suie noire qui accompagnent partout les pas de l'assassin. Ah. Et en plus, il a raison. Vous trouverez cette suie tout le long du chemin qui conduit aux cabanes de charbonniers vers Sainte-Geneviève-des-Bois. L'assassin est passé par là pour gagner la propriété. Et quoi, monsieur Rouletabille ? Et il perpétrait son vol. Mais quel vol ? Où avez-vous vu qu'il y avait vol ? Mais ici, toujours, pardonnez-moi. Oui ? Toujours sur la poussière des dalles des toilettes, monsieur le chef de la sûreté. Tenez, approchez-vous. Voyez, vous avez là l'empreinte d'un lourd paquet rectangulaire. Oui. On distingue même la marque de la ficelle qui l'entourait. Monsieur le chef de la sûreté ? Rouletabille a raison. On ne peut trouver d'empreinte plus nette. Quand j'ai vu l'empreinte du paquet à côté de celle des semelles, je n'ai plus douté une seconde qu'il s'agissait d'un vol. Et un vol très curieux. Oui. Observez tout ça. L'assassin a déposé également au moment de sa fuite ses lourdes chaussures auprès du paquet qu'il avait préparé. Je dis bien déposé, car les traces de semelles sont des traces légères, vides de pied, si je puis dire. Et peut-on vous demander, cher monsieur Rouletabille, ce que cela signifie pour vous? C'est très simple. L'assassin a ôté ses chaussures dans la chambre jaune, il est revenu ici les déposer, puis il est retourné dans la chambre... Mais pour quoi faire? Mais pour se cacher sous le lit, monsieur le juge. Vous trouvez d'ailleurs les traces de son passage sur la natte froissée, qui a même perdu quelques brins de paille. Bon, écoutez, tout cela est parfait. Et permettez-moi néanmoins de vous faire remarquer, cher monsieur Rouletabille, que vous n'auriez pas... Que je n'aurais pas dû pénétrer dans la chambre jaune. Oui. Eh bien, je l'ai fait, monsieur le juge. Je vous en demande bien pardon, mais c'était seulement pour vous rendre service. Nous savions, monsieur Rouletabille, que l'assassin s'était caché sous le lit. Mais d'où tenez-vous que le voleur n'était pas venu uniquement pour voler? Ah, eh bien, le bon bout de la raison. Toujours le bon bout de la raison. S'il n'avait cherché qu'à voler, il serait tout bonnement reparti avec son paquet et ses chaussures sans aller se cacher sous le lit. Non, je crois qu'il fallait obligatoirement qu'il se trouve dans la chambre jaune. C'est bien, c'est très bien. Tout cela est parfaitement déduit, c'est judicieux, plein de bon sens. Mes félicitations, jeune homme. Oh, c'est trop, monsieur le chef de la sûreté, je suis confus. Du tout. Si nous ne savons pas encore comment l'assassin a pu filer, nous suivons pas à pas ce qu'il a fait ici. Il a volé. Mais qu'a-t-il dérobé? Des choses extrêmement précieuses. Messieurs! Messieurs, on m'a volé! Quoi? Mais c'est pas possible! Oui, encore une fois, on m'a volé! Enfin, que vous êtes-on pris? Oh, surtout. Surtout pas un mot de tout ceci à ma fille, elle aurait encore plus chagrin que moi. Et qu'importe après tout pourvu qu'elle vive. Elle vivra, professeur. Et nous mettrons tout en œuvre pour retrouver ce qui a été volé. Mais cela représente quoi, au juste? 20 ans de ma vie. Ou plutôt de notre vie, à Mathilde et à moi. Oui, nos plus précieux documents, les relations les plus secrètes sur nos expériences et sur nos travaux. Tout était enfermé là, à côté, dans le laboratoire. C'était la sélection, la somme de nos recherches. Parmi tant de documents dont cette pièce est pleine. Et c'est grave? C'est une perte irréparable, monsieur le juge. Une perte irréparable pour nous d'abord et pour la science ensuite. Toutes les étapes que j'ai franchies pour arriver à la preuve qu'il existe une possibilité de faire éclater la matière. Tout était soigneusement énoncé, étiqueté, illustré de photographies et de dessins. Tout y était rangé. Et également les plans de 3 nouveaux appareils. L'un pour étudier les corps électriques soumis aux ultraviolets, l'autre qui devait rendre visibles les particules de matière dissociées, et enfin un condensateur différentiel électroscopique de haute technicité. Je devais faire une communication à la suite de l'apparition de mon livre, Matière fissible. Voilà. Voilà, il ne me reste plus rien du tout. Rien de tout cela. Le criminel qui est venu ici m'aura tout pris. Ma fille et mon œuvre. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, 9e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe Derez, Malène, Yves Pénaud, Demarquet, Roger Carrel, Darzac, Michel Rull, le professeur Stangerson, André Valmy, Madame Bernier, Anne-Alexandre, Monsieur Bernier, Gabriel Gobin, Dax, Marcel Charvet, le brigadier, Jacques Maire, bruitage, Louis Amiel, groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Cocol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 11 août 1983. Vous pourrez le réécouter en ligne durant 1000 jours ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.